Au prochain et s'arrêtera à Trois-Rivières, Québec, Alma, Sherbrooke, Gatineau, Rouen et Montréal. Les jeux tombent, la en spectacle le 21 octobre au bar Lanty à Québec. Inferno. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes accompagné ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et Marc Chaunet à l'animation pour deux heures de bon rock progressif, du rock progressif des années 2000 et 90 aussi parce qu'on parlera d'Anglagard un peu plus tard dans l'émission. Anglagard qui a été un groupe du renouveau du prog là, des années 90, un groupe de la Suède qui seront en spectacle le 5 mai prochain à la salle Jean-Paul Tardy. Et les billets sont déjà en vente également. Ça, c'est déjà au mois de mai. Et au mois de mai, probablement qu'on n'a pas les dates encore, mais Michel Bilodeau nous parlait la semaine dernière lors du concert de Richard Schoblum et Inner Odyssey et Necro Monkey. Alors, il nous a dit à la fin du spectacle qu'il y aurait un festival Terra Incognita l'année prochaine, en 2017, on ne sait pas encore qui sera là, mais il y aura également, donc au mois de mai prochain, normalement la troisième semaine de mai. Un festival Terra Incognita. Parlant de Terra Incognita, il y a un nouveau magazine, le numéro 47, qui vient juste de sortir. Il y a une entrevue avec Glasshammer, il y a Pineapple Thief, Tilt, et bien d'autres chroniques sur le rock progressif italien, une entrevue avec Nathan et plein de bonnes chroniques de disques également. Donc faites un tour sur notre site web www.terraincognita.québec et vous aurez d'ailleurs les contenus, la liste de toutes les pièces qu'on fait jouer dans les émissions et des nouvelles sur les spectacles qui s'en viennent et sur le magazine. Donc on va débuter ce soir. Bruno nous a préparé un premier bloc avec un groupe américain Astra, tiré de leur second album de Black Chord, à la pièce titre. On aura de l'Espagne Ignatius, tiré de Light from the Deep, la pièce BCN, et également de l'Italie, groupe, c'était un premier album Progenesi, un album instrumental Ulisse l'Alfiere Nero. On aura donc un extrait de ça, et ensuite on a justement Anglagard tiré de Ibris, qui était leur premier album et leur chef-d'œuvre, mais le plus récent aussi est vraiment excellent. Alors on y va tout de suite en musique avec Astra. We'll be right back. We'll be right back.

birtist mér aldrei aftur. Því blekkingin er oss í fljónum, sjáðu til hún hverfur. Skammt seinn í þúsundir ára af völdum ekki neins. Orsök allra tára nýstir inn til mergs og beins. Skinnvilla heldur með föstum og fjötrar mér nýður. Skugga myndir er á allt hér eina markmið. Ljósin stýr, niður þú bindur að ástæðu lausu. Sint í fagri í mitt sem aldrei framar mig mun buga. Vegvísir þá mun duga hans bænis minni mig. Í huga við fyrri er fanga brotskinni. Hann af heilinu mun fastur vera í huga þér. Ábúða fullur, þykist von góður. Hjóma loks fyrir mér en alglemdi á allri atburðar á sín veruleikanum breytir að upplifa allt í kringum sín á nýjan leik. Hafið ertu yfir hugtökin, hugsaðu láttu undan að flytja það fyrir heimin fylgir glundróði. Svo sint í færi í mitt sem aldrei framar mig mun buga. Vegvísir þá mun duga að spænis minni mig. Í huga við fyrir er fanga brotskilnings. Hanna eilífum mun fastur vera í huga sér. Ábúðar fullur, þykist von góður. Hjóma loks fyrir mér en all glindi óður. Undan komur leið er þér til boða frá því mikla fargi. Sýndur aðgátt verstu vökum, ekki er allar sem það sýnir. Eilíf torti mín mun við því loða líkt og grjóti bjargi. Fæðing vonar kefir niður, gættu þvínt í allu tíni. We'll be right back.

Et ce qu'on a entendu, on a fait une découverte là, avec Eldberg. J'ai trouvé ça très bon, même. Ouais, je trouvais que aussi. Côté son Orgamen, là, ça sonnait un petit peu Beardfish, mais Richard Schaublum, en tout cas. Ben, on en a parlé pas mal, justement. Ça nous a amené sur le sujet du spectacle qu'il y a eu la semaine dernière. Eldberg, qui vient de l'Islande. Ben oui. Et ça, c'était leur premier album. Et je me risquerai pas à prononcer le nom de la pièce. Vous irez sur notre site web pour voir les informations, www.terrainincognita.québec. Ben oui, c'est toujours la suggestion que je fais parce que, pardon, c'est ça. Là. Surtout quand ils viennent de l'Islande. Ah oui, c'est plus difficile. Ça disait, voyons, veux-tu me dire dans quelle langue ils chantent? Ah oui, c'était pas évident. Mais c'était très bon musicalement. Juste avant, la langue aussi, c'était Anglagarde qui va être en spectacle le 5 mai prochain. Ben oui, puis c'est le retour du chanteur aussi. Hein? Ben, Todd Lindemann est revenu. Ah oui? Ben oui. Ah, c'est lui qu'on entend. Ah oui. On va espérer qu'il va rester assez longtemps pour être là à Québec c'est au mois de mai. Oui, j'espère. C'était tiré du premier album d'Anglagarde, Ibris. Un grand classique. Ben oui. Il y avait eu Progenésie aussi de l'Italie. C'est instrumental avec beaucoup de piano. C'est vraiment excellent, ça aussi. Progenésie. Ah oui. Et il y avait Ignatius et Astra. On poursuit avec un nouveau groupe. Ils sont américains, Mondo Drag. Oui. Oui, effectivement. Puis, ça aussi, c'est une découverte assez récente pour moi. Ben, c'est une découverte que j'ai faite à cette émission. Là. Il y a quelques semaines, Michel avait fait jouer ça en compagnie de Bruno, puis j'avais trouvé ça très bon. Mais ça sonne pas nouveauté. Hein, ça... Non, on a l'impression d'un groupe des années 60. Mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'avec un son d'aujourd'hui, mais disons une production d'aujourd'hui, je devrais dire, mais un son des années 60, et c'est très bon, beaucoup d'orgue, puis... Ben moi, j'adore ça. Je trouve ça très bon. Ça, c'est leur premier, hein, je pense. C'est l'avant-dernier. Avant-dernier. Oui, c'est l'avant-dernier. Il va y avoir également Logos de l'Italie, tiré de l'Enigma della Vita. Un très, très bon disque. Ensuite, Antidepressive Delivery. Est-ce que tu les connais un peu? Un petit peu, plus le nom. Ouais, ça sera une découverte aussi. Et on aura également Xavier Fido. Enfin. Fido Xavier. Oui, ben lui, on le connaît bien, surtout qu'il est passé au Festival Terrain Incognita. En 2013, on a eu Fido, oui. Ben oui. Mais ça, il est tranquille, là. Il a fait après Mogan un peu, mais on n'entend pas beaucoup parler. Mais ce que je comprends pas, c'est que sur le site Prog Archive, entre autres, on voyait qu'il y avait un disque, là. Mais à un moment donné, j'ai demandé à Michel, qu'est-ce qui arrive avec ça? On voit le disque, mais il est disparu même de Prog Archive. OK. C'est comme s'il voulait faire un disque, il est après. En tout cas, il y avait une pochette, il y avait même des pièces. Puis tout d'un coup, il est disparu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, on a eu des bons moments. Puis on aura une pièce de Snow Torch, l'album Snow Torch. Mais on débute d'abord avec Mondo Drag. Thank you. piede, s'apre un piccolo cunicolo, è la porta della città nascosta, la porta della città nascosta. Tu che ci vivi sopra, tu che ci cammini accanto, ogni giorno percorri il viale, il tuo sguardo è dritto, i tuoi passi brevi e veloci. Non vedi che la tua rabbia, la tua mano sfiora la terra, il tuo occhio legge negli astri, ma noi per te siamo ancora completamente strani. Come, and that's for sure.

December. You are no longer living, you only continue to be doing things that you don't even want to remember. Thank you. I know that it's not

Informations liquibd.com. Vous partez en voyage ou vous rêvez de partir en voyage? Alors, il vous faut des valises de chez bagages-etc.com. Participez à notre concours, dis-moi ce que tu mets dans ta valise et je te dirai où tu pars. À gagner, un magnifique ensemble de deux valises Samsonite Bay et Light 3 d'une valeur de 460 $ offert par Bagages etc. Jusqu'au 21 octobre, nous ferons deux gagnants par jour dans l'émission du matin et du retour. Le ou la gagnante sera choisie au hasard parmi les 10 finalistes le 24 octobre aux Matins éphémères. Bonne chance à tous! Oyez! Oyez! François Bégin, animateur de l'émission « Ça ne tombe pas du ciel », est actuellement dans le dernier droit de sa campagne et il ne manque pas de toupette. Ce qui lui manque par contre, c'est des supporters. Encouragez sa campagne, de sociofinancement sur la plateforme La Ruche. Aidez-le à dépasser son objectif d'ici le 26 octobre pour financer la sortie de son livre sur les finances personnelles afin que lui aussi puisse dire « Think big, sti ». Visitez françoisbégin.com. Ce message est payé et autorisé par... François Bégin. Le groupe de punk français Guérilla Poubelle sera de passage au Québec pour une tournée et pour faire la promotion de leur plus récent EP, Inferno. Inferno. La tournée aura lieu du 20 au 26 octobre prochain et s'arrêtera à Trois-Rivières, Québec, Alma, Sherbrooke, Gatineau, Rouen et Montréal. Les jetons, en spectacle le 21 octobre au bar Lanty à Québec. Inferno.